toi c'est ma vie en attendant la mort. Mon corps très convaincu se glisse dans la nuit. Pour le chasseur nocturne c'est le gibier d'abord. Je suis la proie facile pour ces conquistadors. Je suis une pute comme ils disent. Je suis une pute comme ils disent. Les illusions se perdent quand j'écarte les cuisses. L'homme se noie dans mon ventre, l'affaire est terminée. Il parle de sa femme, il parle de son fils. J'encaisse les coupures, je retourne au pavé. Je suis une pute, comme ils disent. Je suis une pute, comme ils disent. Une éjaculation conforme au désespoir. Une petite aventure dans l'extra-conjugal. Le sexe bave encore, redevient dérisoire. Le client se rhabille, je compte les étoiles. Je suis une pute, comme ils disent. Je suis une pute, comme ils disent. Seul sur le grand boulevard, mon ombre s'évapore. Mon corps à moitié nu est presque abandonné. Je m'installe dans mon lit, j'entends le son du corps. Et je suis l'animal que l'on doit sacrifier. Je suis une pute, comme ils disent. Je suis une pute, comme ils disent. Le fric n'a pas d'odeur et c'est sans importance. Je suis la solitude des femmes en esclavage. C'est le prix de la détresse pour les hommes en partance. Le cœur n'a plus sa place, c'est le temps du naufrage. Je suis une pute, comme ils disent. Je suis une pute, comme ils disent. D'odeur et c'est sans importance. Je suis la solitude des femmes en esclavage. C'est le prix de la détresse pour les hommes en partance. Le cœur n'a plus sa place, c'est le temps du naufrage. Je suis une pute, comme ils disent. Je suis une pute.